Tous les jours, elle est là dans ma tête, elle me guette, elle me jette mon faisceau. Capable de transformer des secondes en heure, elle m'observe, elle m'obsède, elle me stresse, elle m'oppresse, elle imprègne mes pensées. Elle détruit mes rapports humains, m'empêche de faire quoi que ce soit. Regarder un film, lire un bouquin, pire ennemi. Mais avec elle que je traîne le plus, en binôme ou en fit avec elle. Avec elle, quand je traîne pas avec elle, je suis fâché, triste comme Ézéchiel. C'est mes larmes sous le parc, je rêve de percer. Elle m'empêche de faire ce que j'aime, elle m'enferme sur moi-même, solitaire. Même les meufs, elles me prennent la tête, mes problèmes. Je préfère me plaindre que de les résoudre. Je préfère continuer à boire plus de la drogue que des sous. Je reste seul car j'ai la fierté de dire je me débrouille. Je la kiffe, mais faut que je la quitte. La petite m'a pris bien trop d'acquis, la fréquenter, c'est harakiri. Je la kiffe, mais faut que je la quitte. Faut que je la quitte. Ma solitude, elle peut te rendre dingue, man. Elle peut te rendre ouf, man. A trop cogite avec le mal, elle te donne rancard. Elle te cloue au lit ou sur le canapé. Mais ta meilleure pote, c'est ta bouteille de sky. Ma solitude, elle peut te rendre dingue, man. Elle peut te rendre ouf, man. A trop cogite avec le mal, elle te donne rancard. Elle te cloue au lit ou sur le canapé. Ta meilleure pote, c'est ta bouteille de sky. C'est ma solitude, elle m'empêche de battre pour une cause. Même perdue, c'est ma certitude. Elle me fait écrire des textes dépressifs de gamin impulsif. Je me pousse à la déprime à travers mes yeux tout maigris. La lame de la poisse, elle l'aiguise. Le bonheur, elle le déguise. Je fais pas des chansons que des esquisses. Je m'implique dans rien frère, elle me pousse à rien faire. Elle me pousse à rien faire, rien faire. Je repousse-toi main de main deux et main des mille fois. Je passe à côté de ce qui pourrait m'apporter une petite dose de plénitude. Un arrière-goût, bonheur sur la langue, pas celle de l'adrénaline. Quand ça mange, je te parle du truc qui donne la force. Quand ça touche, ça gonfle les poumons. Une bouffée d'oxygène, enfermé dans la matrice. Esclave des allocs, ce monde matrice. On est gouverné par des salopes, yeah. Ma solitude, elle peut te rendre dingue, man. Elle peut te rendre ouf, man. A trop cogite avec le mal, elle te donne rancard. Elle te cloue au lit ou sur le canapé. Ta meilleure pote, c'est ta bouteille de sky. Ma solitude, elle peut te rendre dingue, man. Elle peut te rendre ouf, man. A trop cogite avec le mal, elle te donne rancard. Elle te cloue au lit ou sur le canapé. Ta meilleure pote, c'est ta bouteille de sky. Avec elle qui en tête à tête discute les nuits sont longues. Avec elle je vois plus disparaître la lune. Avec elle mon temps je le perds, je crois, je cogite et je regarde les murs. Elle m'a poussé à prendre la plume, souvent fait chanter mon amertume. Mais elle me possède, elle prend le pas sur ma raison. Et papa je me dis que c'est la raison que je perds. Je pourrais passer tout mon temps avec elle. Ça doit être l'ange de la mort sans les ailes. Elle m'a dans ses griffes comme un aigle enfermé. Avec elle, loin de tout problème de relations sociales, je ferai parler mon art. Je perdrai tout le monde et y'aura plus qu'elle qui me donnera rencard. C'est quand tout le monde m'a saoulé, c'est avec ma solitude que je vais m'occuper. Je prends mes coupés, je me bouge tard ou plus, je pète un câble ou plus. Elle est vicieuse, souvent tu crois que ses sentiments sont sincères. Ensuite tu te rends compte que sur le siège de la déprime, elle t'a visé. Vu que je la quitte, la petite pisseuse, j'ai son thorax dans ma visée. J'ai son thorax dans ma visée. Ma solitude, elle peut te rendre dingue, man. Elle peut te rendre ouf, man. A trop cogite avec le mal, elle te donne rancard. Elle te cloue au lit ou sur le canapé. Ta meilleure pote, c'est ta bouteille de sky. Ma solitude, elle peut te rendre dingue, man. Elle peut te rendre ouf, man. A trop cogite avec le mal, elle te donne rancard. Elle te cloue au lit ou sur le canapé. Ta meilleure pote, c'est ta bouteille de sky.